audiocité.net. Vous écoutez le podcast du volet audio des éditions de l'Avenir. Bonjour et bienvenue en ce 26 février 2010 à la 14e émission du podcast des éditions de l'Avenir. Christian Martin au microphone. Merci à Sylvie pour avoir introduit cet opus. Sylvie est la lectrice, entre autres, de Pierre et Jean de Maupassant sur audiocité.net. Pour nous, elle a joué dans l'affaire Blaireau. Petite info. Nos amis d'audiocité.net se sont retrouvés à la télé belge. Cette émission de Au quotidien étant en ligne, vous pouvez les voir à www.rtbf.be/vidéo/quotidien:id=16365 et commercial catégorie. Le mot anglais, C-A-T-E-G-O-R-Y, égale info. Si, pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez accéder à la vidéo par cette adresse, rendez-vous sur le site de la RTBF à www.rtbf.be. Cliquez sur info. Tout en haut de la nouvelle page, choisissez vidéo, puis à nouveau info dans le menu déroulant. Dans la barre bleue, tout à droite, cliquez « Émission ». Choisissez « Au quotidien ». Puis, l'émission du 17 février. Vous trouverez le reportage sur Audiocité après la 25e minute. Si vous écoutez nos émissions dans l'ordre, vous savez déjà que nous préparons la troisième aventure de Mazas. La distribution avance bien. À l'équipe régulière s'ajoute le très talentueux Gabriel Jean de www.adaptationjj.net, Camille d'Audiocité, Jay, le créateur de l'excellente saga MP3 Velvorn, Patrice du groupe français de Perry Rodden et Merzline de Doublage Libre. Certains d'entre eux m'ont déjà fait parvenir leurs répliques et ça promet. Le podcast maintenant. Je ne sais pas encore combien pèsera cette émission, mais selon son poids en meg, il est possible qu'il s'agisse de la dernière semaine où toutes nos émissions se retrouveront en même temps sur le site du podcast, car il est possible que nous atteignions la limite de 500 MB d'espace de stockage imposée par Podomatic. Je vous suggère donc, pour vous tous qui nous attrapez en vol, de consulter le site du podcast ou celui de notre blog, et de vérifier l'apparition d'un lien qui vous conduira vers les archives où j'engrangerai les premières émissions au fur et à mesure que je devrai libérer de l'espace sur Podomatic. La semaine dernière, Mazas et Steve ont finalement retrouvé leur compagnon tout au fond d'une grotte. Mais dans quel état? Victime d'un végétal carnivore. Nous les avons laissés alors qu'ils effectuaient l'opération de sauvetage. Et maintenant, la suite de Mazas Pavel, agent de l'OMU. Pendant la vingtaine de minutes où Mazas se retrouva seule, elle put observer des indigènes à loisir, à la lumière de son projecteur qu'elle avait détaché de sa combinaison et posé au sol. Toujours prostré, la face contre terre, il se lamentait dès qu'il tentait de lever la tête dans la clarté diffusée par la lampe. Blanc de peau, d'un blanc maladif, nota-t-elle,